assis-toi, moi, que nous sommes unis. Ils ont passé bien vite, et pourtant, il me semble que nous avons vécu. Et comme je vous bénis, mais moi de cette jeune fille si calme et souriante au foyer de famille, ai-je fait une femme ruse?